Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter.

Et voici celui dont les cheveux sont devenus blancs quand il a vu le prix de l'iPhone 10. Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 11 septembre 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologies, médecine, merci science, le segment Geek Célix, et plein d'autres choses dans une 10 minutes. Ça va être la chronique d'un autre gamer à un autre avec Frédéric Simon. Salut Frédéric. Salut Mathieu. Avec moi dès le début, on aime ça. Eh oui. Oui, de quoi est-ce qu'on parle tout à l'heure? Je vais faire un retour sur la superbe fin de semaine que j'ai passée au DreamHack à Montréal. Sinon, je vais parler quelques petites nouvelles sur les sorties récentes et des nouvelles sur la SNES encore. Encore? Encore. Oh! Boy! J'ai vu passer quelques trucs sur la NES. Oui. Mini, est-ce qu'on va l'aborder? On va l'aborder. Oh, qu'on a des choses à se dire tout à l'heure. Donc ça, c'est dans la chronique d'un autre gamer à un autre, la chronique sur les jeux vidéo, bien sûr. Dans quelques instants, une très courte édition de Tout ce qui bouge. Mais pour commencer, et en fait, je dirais même poursuivre, parce que ça fait comme 20 minutes que l'émission a commencé et on fait l'intro à ce moment-ci. Pourquoi? Parce que j'ai choisi une très très longue pièce pour débuter l'émission, pour prendre ça vraiment mollo. C'est ma journée, c'est ma première journée de l'année où je fais 4, 5, 6 heures de radio. Je sais que c'est pas tant que ça, 6 heures de radio. Il y en a qui font 6 heures back-to-back, hein. Mais bon, moi, je suis faible, faut croire. Donc, j'ai fait 3 heures à Sondage Rocky, petite pause de 2 heures, 1 heure de palmarès, petite pause de 2 heures, Mathieu Plancho. Fait que je me suis dit, je vais y aller mollo. Ben, t'as le droit, Mathieu. Une fois de temps en temps, pour la première fois. Faut pas que tu t'épuises en 2 semaines. Ce serait le fun de ne pas, hein? Bon, on est raisonnable. Oui, voilà. Voilà, merci de me soutenir comme ça. C'est fin. Donc, pour commencer l'émission, on avait écouté Super Mario Kart Remix par Disco Cactus, A Road That You Go, basé sur Mario Circuit et Rainbow Road. C'est un remix de OC Remix, Overclock Remix. On adore cette communauté de musique de jeux vidéo, de gens qui aiment remanier un petit peu des chansons de jeux vidéo. On en joue une fois de temps en temps à l'émission et c'est toujours bien intéressant. On va continuer ça avec une pièce qui nous vient de Error. Un petit bar de soulignement, c'est le nom de l'artiste. Ouais, l'album s'appelle EXP-EP et on écoute l'extrait Approaching Enceladus. Et c'est tout de suite au Mathieu Plante Show. Bonne émission! Première fois que je me rends jusqu'à la fin de l'intro, c'est pas pire. C'est un événement marquant pour moi en ce moment. Ouais, ça a été beau, je devais arrêter de parler. Tu vis ce moment. Oui, je le vis avec toi, Fred Simon. Merci de me soutenir, même dans ça. Ah, je te sais tout le temps. On my radio, shaking me from sleep. Mysteriously blinking from somewhere in the deep. Wind and sailing from the sun. For years it's snow to see. Now our pale destinations are approaching steadily. And tell everyone to get their helmets on. Landing has begun. Lingering beyond the rays against the starry foam. Oh, is it just an ornament or something like a home? Through the rolling darkness, a thought directs the mind. Underneath the eyes might be a little light to find. Tell everyone to get their helmets on. Landing has begun. Tell everyone to get their helmets on. Landing has begun. C'était Error avec Approaching Enceladus. Maintenant, c'est le segment Tout ce qui bouge. Tout Tout ce qui bouge, la chronique du Mathieu Plancheau, où on parle de choses qui bougent. Et cette semaine, il n'y avait vraiment pas beaucoup de nouvelles, Frédéric Simon, tellement qu'il y a des nouvelles qui auraient très bien pu être dans CNX, mais que comme ça parle par la bande de véhicules, c'est dans cette chronique-là, juste pour la faire, juste après l'émission de Tania Baudin en piste les mercredis, c'est pour ça qu'on fait ça, là. Donc, commençons avec un petit peu d'intelligence artificielle. Jaguar met une intelligence artificielle dans son volant. Pour le constructeur automobile Jaguar Land Rover, le volant pourrait devenir un compagnon que son utilisateur passerait d'une voiture autonome à une autre. Donc le volant deviendrait la seule partie d'une voiture dont on serait propriétaire. C'est une idée comme ça qui vient de Jaguar Land Rover, qui a réfléchi à ce que pourrait être la mobilité en 2040. À cette époque, le constructeur automobile pense que les voitures autonomes seront majoritaires. Probablement qu'ils ont raison là-dessus. On posséderait peut-être plus un véhicule personnel. Mais on serait plutôt abonné à un service à la Netflix qui nous permettrait de choisir le modèle le plus adapté à nos besoins selon le type de trajet et peut-être avoir un nouveau modèle chaque année, on sait pas. Au cœur du dispositif se trouve Sayer, un volant connecté équipé d'une intelligence artificielle qu'on installerait sur la voiture du moment. Jaguar le décrit comme un compagnon à emporter chez soi et qui joue les assistants virtuels capables d'accomplir des centaines de tâches. À la manière d'une enceinte connectée, l'utilisateur pourrait formuler des requêtes verbales et notamment demander à son volant de lui commander une voiture autonome pour un déplacement. Une fois connecté à un véhicule, on imagine que Sayer adapterait les réglages de conduite et d'ergonomie en fonction des préférences de son maître. Ce volant intelligent fait partie d'un programme prospectif que mène le constructeur britannique sous la forme de concept car nommé Future F-Type qui n'a pas encore été dévoilé. Ça s'en vient peut-être un jour dans le futur, peut-être pas aussi. Peut-être qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un volant. Je veux dire, est-ce que tu aurais ça sur toi tout le temps? Tu aurais ton volant après ton porte-clés? Non. Je suis pas sûr. Où est-ce que tu mets ça? Je sais pas. Un lampadaire à énergie solaire maintenant, tu vois. Ça bouge pas, un lampadaire, mais c'est sur la route, fait que ça compte. Une technologie qui permet à une entreprise de Sherbrooke, oui, de briller à l'international. Un lampadaire, donc, qui pourrait vous éclairer, mais aussi recharger votre téléphone cellulaire et filmer les environs grâce à une caméra de sécurité. L'idée est réalité. C'est une compagnie sherbrookoise, l'Éclat, qui a conçu la station d'énergie Pivot, un lampadaire alimenté par l'énergie solaire. Donc, ce qui distingue ce lampadaire des autres, c'est qu'il peut être muni de divers accessoires technologiques comme un système de recharge de cellulaire, des caméras de surveillance ou encore même une station météorologique. Il aura fallu à l'entreprise plusieurs analyses afin d'en arriver à créer la station d'énergie pivot puisqu'il s'agit d'un système unique en son genre. Une fois la recharge terminée par le biais de panneaux solaires, l'énergie est emmagasinée dans un système de batterie qui se trouve sous terre. Ça permet une variation de température qui est moins grande que si les batteries étaient à l'extérieur, nous dit-on. Les hivers au Québec, les batteries à partir de moins 15 degrés, on perd de l'efficacité. Mais avec leur système, on garde une température qui est constante. C'est au marché de la gare de Sherbrooke qu'on retrouve la première station d'énergie pivot. Cette dernière est munie d'une caméra de sécurité et d'un système de recharge pour cellulaire. Ils disent que ça fait partie de la philosophie de la ville d'avoir une ouverture envers les produits en développement du côté durable. Le solaire, disent-ils, on connaît son explosion dans le développement. C'est un produit d'avenir. C'est quelque chose qui peut être pertinent selon la situation, a dit le chef de division des parcs et espaces verts à la ville de Sherbrooke, Yves Tremblay. La compagnie L'Éclat a d'ailleurs cerné depuis longtemps cet intérêt pour les énergies renouvelables. Vous pouvez aller voir le reste des informations sur assemblagerequis.com. Pour l'instant, la ville de Sherbrooke n'a pas pour objet d'acquérir d'autres lampadaires L'Éclat, mais celui installé au marché de la gare est là pour rester. Donc peut-être que si ça fonctionne bien, éventuellement, ils vont changer d'idée. On ne sait pas. Et pour terminer, on parle de conduite autonome, 130 millions de dollars pour la compagnie québécoise LetterTech. L'entreprise donc spécialisée en technologie optique pour les véhicules en conduite autonome obtient 130 millions de dollars en nouveaux capitaux provenant de gros équipementiers automobiles dont Osram, Delphi et Magneti Marelli, ainsi que du fonds de solidarité FTQ, nous dit la presse. Avec cet argent, LetterTech dit vouloir rapidement propulser sur le marché mondial sa technologie de détection LiDAR développée au Québec. Avec de tels partenaires de l'industrie automobile, LetterTech prévoit accélérer l'intégration de sa technologie dans les prochains véhicules routiers de série qui seront équipés de fonctions de conduite autonome. On dit que le partenariat est un vote de confiance clé de la part d'un groupe d'entreprises aussi influente. Leur appui démontre toute la maturité de leur technologie et la grande crédibilité de leur offre liée au développement actuel en matière de conduite autonome, disent-ils. Le plus grand segment du marché de la détection et de la télémétrie automobile, le LiDAR donc, aurait le potentiel de s'accaparer le plus grand segment du marché de la détection et de la télémétrie. Oui, dans un marché émergent de la conduite autonome qu'on estime à plusieurs milliards de dollars d'ici 2020. Chez Delphi, on dit que la technologie LiDAR est une composante clé de ces projets de développement en conduite autonome. Le LiDAR, les lettres en tant que telles, elles veulent dire... C'est ça par cœur, j'imagine? LiDAR? Tout à fait, non. Ben non, je vais te le dire. Light Detection and Ranging ou Laser Detection and Ranging, une technique de mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau de lumière envoyé vers son émetteur pour connaître la distance entre les voitures, les pancartes ou les animaux, des trucs comme ça. Quand même. Quand même, hein? Chance que Wikipédia est là pour me sauver, hein? Chance! Voilà, c'est tout pour la chronique Tout ce qui bouge. Juste trois nouvelles, mais trois nouvelles quand même assez intéressantes. Mais je comprends ce que tu disais par la bande avec les lampadaires. Ouais, tout, c'est là, pas tant Tout ce qui bouge, là, mais tu sais, c'est sur la route. C'est sur la route. It's on the road again. On the road again. On va l'écouter pas du country, ça c'est justement en piste avec Tania Baudin qui est juste avant nous le mercredi. Non, là on va l'entendre du chiptune qui est la spécialité de l'émission. J'espère que vous êtes au courant, même si peut-être que les gens nous écoutent pour la première fois parce que techniquement c'est la première semaine de diffusion assez fou en ce moment. Techniquement, on a commencé le 11 et notre émission, en passant, je sais que tu veux pas le savoir, on est en direct les mercredis entre 15h et 17h, notre reprise est rendu le mardi à 10h. Oh, c'est de même. C'est de on même. Aime ça. On aime ça. Donc, on écoute sur l'album Chiptunes Equals Win Volume 6. C'est Roboctopus qu'on s'en va entendre avec The Second Annual Slumber Party 4. C'est quoi le reste? Attends un petit peu. C'est la pièce numéro quoi? 39? Non, mais pour vrai, ça vaut la peine. The Second Annual Slumber Party for Biological Specimens 1983. C'est ce qu'on s'en va entendre. C'est mieux d'être aussi bon que le titre, hein? Vous êtes au Mathieu Plante Show MPS pour les intimes qui aiment les acronymes. Thank you. c'est fou! 89. Bonjour Mathieu Plante, je suis avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante, c'est lui qui doit avoir son moniteur bien droit, il aime pas ça les moniteurs croches. Je parle des moniteurs de piscine, bien sûr. Faut qu'il y ait de scoliose. Je parle de l'écran d'ordi, évidemment. Donc, vous avez entendu Frédéric Simon, c'est à lui maintenant de parler, je me la ferme, tout en disant quelques petites niaiseries, j'imagine, à travers ta chronique, parce que c'est d'un autre gamer à un autre. Chronique de jeux vidéo. Salut Mathieu. Salut, tu vas bien? Ça va bien et toi? Oui, absolument. Caroline, c'est le fun de te revoir. Pareillement. Pareillement. Mais merci. Hein? Et on a plusieurs sujets à couvrir aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu y vas de plusieurs côtés en même temps. Oui, mais je vais commencer par les petites nouvelles puis on va finir avec le gros morceau. Tu les feras pas en même temps? Je les ferai pas en même temps. Ah, là, je suis déçu. Comme apprendre à jongler, non? Mais tu sais, commençons donc par Nintendo puis sa NES classique. Parce que, oui, la NES classique, après avoir été discontinuée, va faire un retour. Est-ce que ça va faire un retour partout? J'ai vu Europe, mais est-ce que ça va venir jusqu'ici? En fait, Reggie Fils-Aimé, qui est le président de Nintendo Amérique, de l'Amérique du Nord, ben oui, a confirmé qu'il était pour avoir du stock à l'été 2018. Oh! Est-ce que ça va être assez pour combler la demande, par contre? En fait, ce qu'il a dit, c'est « N'achetez pas des consoles à 400$. » C'est ça! Sur les sites d'enchères Kijiji ou autres. C'est ça, eBay ou. Les gens revendent beaucoup plus cher que ce que ça valait à l'origine. À l'origine, tu l'as payé. Ben, pas tu l'as payé combien? Tu l'as eu gratuitement, c'est ça? Ben, je l'ai eu à 30$ la mienne. C'est ça. Ça, c'est une lock. Ah, c'est ça, c'est une lock, puis il vous dira pas où aller pour savoir comment faire. Hein? C'est ça. C'est des enchères, c'est des affaires sur Facebook, là. Genre. Mais. Le prix à l'origine, c'était quoi? 70, 80? Pour la NES classique, c'était 80. 80. Donc, si tu l'achètes à 350, 400, 450 sur Kijiji, tu payes. Genre 5 fois le prix, 4 5 fois le prix. 6 fois, oui. Ça n'a aucun sens. Donc ne faites pas ça, dit notre ami Regis Fils-Aimé. Mais en même temps, il n'y a toujours pas de nouvelles concernant le Québec. Ouais. Puisque la SNES ne sera pas vendue au Québec. Mais la NES l'était. Pourquoi? Semble-t-il que c'est une question de langue pour deux jeux. C'est n'importe quoi. Enlevez donc les deux jeux, tant qu'à faire. Non, pas vrai. On est capable de dealer avec ça. Oui. Mais moi, je tenais d'entendre, je sais que je vais faire dérailler ta chronique, là, mais je tenais d'entendre sur Facebook les gens moi j'ai un Raspberry Pi avec tous les jeux dessus, je suis tellement meilleur que toi que j'ai pas acheté. Ouais, mais c'est. Gars, c'était premièrement ta gueule. T'as une voix gossante, tu sais. En effet. Ouais, c'est ça. Et deuxièmement, non, mais tu sais, c'est pas pareil. Un ordinateur branché sur une TV avec un émulateur, ça a pas le même feeling que la console faite par Nintendo avec une manette Nintendo et avec des jeux avec un effet télévision cathodique dessus. Je comprends que t'as juste 30 jeux, mais pour moi, c'est pas comparable. Non, puis il y a le fait d'avoir la bébelle encore. Bien belle, la console. Eh belle, la bébelle. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai mon ordinateur avec des émulateurs. Tout le monde a ça, là. Qui aime les jeux vidéo, là. Mais c'est pas un argument, j'ai un Raspberry Pi. Voyons, oui, ok, bah parfait, monsieur le snob, retourne chez vous avec ton Raspberry Pi et amuse-toi, mais lâche pas ça. Je comprends le côté pratique, par contre, oui, du oui. Raspberry Pi. Ah ouais, mais tu peux avoir les deux, là, mais c'est... Puis justement, ayons les deux. Ayons les deux. Et un n'est pas une alternative à l'autre, si tu veux, l'original. Ok, oui, tu peux acheter du RC Cola, si tu veux. Tu sais? Oui. Tu vas prendre du Pepsi, tu sais. Voilà, ici, c'est fait. Vraiment, vraiment une mauvaise comparaison, mais bon. Mais oui, et non seulement la NES classique sera de retour, mais la production de la SNES ne se terminera pas au fait. Elle va se poursuivre aussi en 2018. Ah, c'est bon, donc ça va être vraiment l'année pour acheter deux consoles rétro de la même compagnie, en plus du Genesis, en plus du Atari. Oui, si t'es pas du Québec, finalement. Ouais, si t'es pas québécois, là, hi, how are you doing? Yes, thank you. Yes, no toaster. C'est ça. Voilà. Déménageons en Ontario et ben je suis complète pour ça. Ben non, mais c'est ça. Vous allez la précommander. Vous allez la commander ailleurs chez votre tante en Floride qui a encore une maison. Puis vous allez. Mais bon, il y a encore du monde qui vend des précommandes d'ailleurs. C'est vrai. Voilà. Voilà. Sinon, sortie jeu vidéo récente. En fait, il y a deux semaines, est sorti un titre chez Nintendo, un titre de Mario. Okay. C'est Mario and the Rabbids Kingdom Battle. Oui, j'avais déjà oublié que ça existait, un jeu de tirage avec... de tirage. Il faut tourner le boulier, puis c'est B12. C'est le Bingo Mario. ça se vendrait au bout. C'est sûr. Sur la Nintendo DS, genre 3DS, ça serait parfait. C'est sûr. Bref. Non, mais c'est un jeu où tu tires dessus avec des guns, mais tu sais, c'est pas vraiment des guns. Oui, un jeu, en fait, stratégie tour par tour. Tour par tour. Real-time strategy, c'est ça? Un RTS. Ça? Je sais pas si c'est en real Techniquement, time. Techniquement, c'est peut-être pas un RTS. En tout cas, okay. Je sais que le concept m'attirait pas tant que ça, surtout que les Rabbids, c'est pas trop mon genre. Mais j'ai de la misère à voir qui a en commun un amour pour Mario et les Rabbids et des jeux tour à tour comme ça. C'est en effet un mélange assez étrange. Pourtant, ça s'est bien vendu. Non? Je connais pas les chiffres de vente, mais de ce que j'ai vu, j'ai goût de l'essayer. Ben, j'avoue que le côté sympathique des personnages, il y a quand même un petit peu d'interaction entre les Rabbids et les personnages de Mario. Ça peut être le fun, mais à louer plus qu'à acheter, non? Peut-être plus à louer, mais je trouvais qu'il y avait des composantes intéressantes. Ok, comme? Juste le fait d'avoir son équipement... Et le mélange des personnages, tu peux avoir par exemple un Luigi Rabbid. Ok. Et. On les voyait un petit peu dans la bande-annonce, les lapins qui portaient la casquette de l'autre jour de genre. Puis tous les personnages ont comme des caractéristiques propres à eux. Franchement, j'avais le goût de l'essayer. Par contre, le prix des jeux de Switch sont quand même toujours chers. Peut-être que ta suggestion est bonne d'une bonne location. Ouais. C'est quoi, c'est encore 80? C'est 90. 10? Ça a monté de 10$ les jeux? J'imagine que c'est 80 plus les taxes et tout ça, mais en tout cas, ça remonte à 100$. Ça n'a aucun sens que, pour vrai, je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière ça, mais le quart du prix de la console. Oui. Tu sais, c'est ça. À chaque fois? À chaque jeu. Je comprends pas. Tout dépendant de la durée de vie d'un jeu, ben c'est... Oui. Tu m'attends pas à une durée de vie de Skyrim, mettons, avec non, ce jeu. Non, non, non. Bien que je ne suis pas un joueur de Skyrim. Mais en tout cas. sinon, autre grosse sortie, et ça a inondé les streams sur Twitch durant la dernière semaine, Destiny 2. Ouais. Mais t'as pas d'être Beyoncé, ça. Ça, c'est Destiny. Destiny Child. Child, okay. Ouais. Ouais. Non. Encore une fois, un peu un... Le hype train qu'on appelle qui a été... Le buzz qui a été déçu un peu. Pour vrai. Le jeu semble-t-il très bon, mais encore une fois, pas ce qu'on annonçait. Ok, oui, c'est cool, mais... Tu pensais que c'était ce que c'était, mais c'était pas ce que c'était. C'est ça. Ouais. C'est un bon deuxième jeu, une continuation du premier. Ouais. Et qui perd gagne, hein? Hyper gars. C'est juste n'importe quoi. les derniers arriveront les premiers. Pourtant, les critiques sont quand même bonnes, mais succès. Ben, en fait, le succès est énorme quand même. Les ventes vont très bien. Résultat mitigé. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que les ventes vont bien que les gens ont apprécié leur achat, tu sais. Exactement. Peut-être que ça se vend très bien aussi dans les pawn shops. Peut-être. T'sais, quand les gens vont leur porter et ils retrouvent 3$ chez GameStop. D'après moi, ils font de l'argent quand tu l'achètes. tu veux le ramener, ben donne-nous 10$ et on va te le prendre. Ouais, ça, c'est... Ouais, ouais. Non, c'est vraiment pas une bonne idée de retourner tes jeux en boutique. Non, vraiment, vraiment pas. En tout cas, c'est pas profitable. Du tout. Sinon, dans les sorties qui s'en viennent ce vendredi. Oui, on parle du vendredi le 15 septembre. Pour rappeler qu'on est en reprise le mardi suivant. Ouais, c'est vrai. Donc, vendredi passé aussi, pour ceux qui nous écouteront mardi prochain. Oui. Merci d'englober tout le monde. Et voilà. D'englober. Et ceux qui... des câlinés, là, tu sais. Un petit bear hug. Là. Et aussi, c'est sorti il y a 6 mois pour les gens qui écouteront l'émission de Meilleurs moments de toi, que c'est je ferai vrai. Inévitablement dans quelques temps, une fois que je serai malade, tu sais. Alors, gens du futur, je vous annonce les sorties du 15 septembre. Cool. 2017. Enfin. Celle que j'attends, puis celle que beaucoup de gens attendent, en fait. Metroid Samus Returns sur 3DS. Mm-hmm. Un retour en forme platformer 2D. 2D gauche-droite. Sur la plateforme mobile. Ben, en fait, mobile portative. Une des plateformes portatives de Nintendo maintenant avec la Switch. Hein. Avec la Switch. Qui, je trouve, est pas si portative que ça. Non? Non, d'une part par sa durée de vie de batterie qui est moindre que la 3DS. Mm-hmm. Et que c'est quand même un peu plus gros aussi, c'est moins discret à transporter. Pesant, non? Pesant, pas tant que ça, mais un 3DS, c'est quand même une poche de grosseur moyenne. T'as une poche de grosseur moyenne, ok, ouais, parfait. Tu peux l'y glisser. Si t'es pas trop serré du pantalon, hein, ouais, ouais. Voilà, exactement. Okay. Mm-hmm. Simplement, juste un rappel que ce jeu-là, je l'attends vraiment beaucoup et il sort ce vendredi. 15 septembre. Ou le vendredi passé, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Et sinon, pour les fans de hockey, NHL 2018 qui sort ce vendredi. C'est le 2018e jeu de NHL qui sort. Ben oui, parce qu'il en est sorti un à chaque année chaque depuis l'an zéro. sur ton premier trio, t'as Jésus puis les autres. Exactement. C'est ça pour les sorties. En fait, je vais faire un retour maintenant sur ma fin de semaine. Oui, t'as vécu beaucoup de choses en fin de semaine. Toi, pour vrai, les fins de semaine, t'es passé éveillé pas mal longtemps. Hein? Je te dirais que j'ai dormi 4 heures entre vendredi matin et dimanche soir. Wow. Parce que c'était le DreamHack à Montréal et j'ai participé au marathon de speedrun No Reset. Okay. Et que j'ai eu du fun. Ouais. Participais là, entre autres... notre ami Samuel Girard, généreux. Toujours les mêmes. Toujours est-ce que Marc-Olivier Dumas était là? Marc-Olivier n'était pas là cette fin de semaine. D'habitude, c'est toi le loser qui est pas là, hein? L'autre fois, c'était ça. J'étais pas là. V'là deux cabaret. Semaines. C'est ça. Mais Rock et Drac n'étaient pas là non plus. Ah, bon. OK. C'est correct. Quand même. Mais oui, le DreamHack est un... qui est pas seulement le marathon de speedrun, mais qui est un gros événement de jeux vidéo. Il y a plusieurs représentants, entre autres de MSI et tout ça, qui lance des cartes graphiques. La compagnie de cartes graphiques. Ouais. Ils lancent ça dans full, c'est pas dangereux pour genre fendre quelqu'un en deux. Mais tu sais, ils font des pyramides avec leurs boîtes, puis on va les voir, puis en tout cas, il y a un paquet de concours. Cool. Mais sinon, il y a aussi des gros événements sur, par exemple, des jeux qui pognent en ligne avec Twitch, par exemple, Counter-Strike, Global Offense, Super Smash Bros, un gros tournoi, StarCraft, le remaster, avec un autre gros tournoi. Et les foules sont immenses juste pour aller voir le spectacle, et le spectacle est vraiment beau avec les écrans géants, l'animation sur scène et les commentaires aussi, c'est vraiment spectaculaire. C'est en excluant toutes les boutiques aussi qui sont là sur place pour... C'est une grande foire, là. C'est une grande foire. C'est un peu un Comic-Con exclusivement jeux vidéo. C'était là. Où? C'était sur la place Bonaventure. Et on avait notre petit coin speedrun. Ah oui. Dans lequel on a passé beaucoup de temps. On a eu beaucoup de plaisir. Speedrun, donc terminer le jeu le plus rapidement possible. Quel jeu avez-vous fait en gang? J'ai refait les Power Rangers. Oh! T'es vraiment un fan fini de ce jeu-là. En fait, de ce jeu-là, oui. À la NES? Sur Genesis. Genesis, ok. Sega Genesis. Samuel a fait Battle Block Theater sur PC. Plus récent, celui-là. Plus récent. Rock Généreux a commenté des runs. Okay. C'est-à-dire, il a commenté une run de Power Shovel. Power Shovel. C'est un jeu sur PlayStation 2, si je ne m'abuse, ou PlayStation, qui se jouait littéralement avec des manettes comme une pépine. Ok. Et le jeu, tu contrôles une pépine et t'as des objectifs un peu ridicules parfois. Ça doit. Genre aller chercher des tortues dans une piscine. Ouais. Mais c'était vraiment très le fun. Wow. Sinon, il a commenté une course de Super Mario Bros. 1. Et il a lui-même fait Super Mario Bros. 3. Mm-hmm. Et les aventures de Captain Comic. Ouais, tu m'as déjà parlé de ce titre-là, j'ai jamais entendu parler. C'est sur DOS. Ça. Sur DOS. Il est sorti une version NES qui est atroce, mais la version DOS est très bonne. Ah ouais, Captain Comic. Eh bien, allez voir les vidéos sur YouTube. Oui, en fait, toutes les vidéos des runs vont être disponibles sur YouTube éventuellement, vont être découpées par segments sur la vidéo qui était originellement sur Twitch. Ouais. Ah, mais quel bel événement. Et on a ramassé 2100$ pour la formation... pas la formation, mais la fondation les Répits Saint-Louis à Longueuil, dans le fond, qui s'occupait d'enfants qui ont des problèmes, soit autisme, déficit d'attention... Déficit budgétaire, il n'y a pas ça, non? Déficit budgétaire, non, mais c'est une très belle fondation qui s'occupe de nos enfants. À quelle fréquence ça se passe, le DreamHack? Le DreamHack, c'est une fois par année. OK. Il y avait le LAN ETS qui s'est passé en février, qui était au même endroit, qui est sensiblement le même genre d'événement, mais le DreamHack a quand même une envergure un peu plus internationale. C'est très cool. Donc sur Twitch, on peut trouver ça en cherchant DreamHack 2017, j'imagine. Oui, ou No Reset Marathon. Aha. Il y a souvent la mention du No Reset Marathon. Est-ce qu'il y a vraiment personne qui reset jamais rien? Mais ils resetent pas leur iPhone parce qu'il y a de la misère à booter, rien. Ils font aucun reset. C'est le but. Mais ça... Faut croire que ça arrive quand même. Ouais. Des fois, on n'a pas le choix. Mm-hmm. Eh ben. Autre chose, non? Non, c'est tout. Merci, Fred. Simon. Merci à toi. Ça fait plaisir. On te reçoit aux deux semaines. Oui. Ici. Et en fait, on peut l'annoncer déjà, hein, parce qu'on l'a déjà enregistré. la semaine prochaine, c'est la chronique avec Samuel Girard et toi. Oui, on sera en double. En double. Et on va parler de Pokémon ensemble. En fait, on va faire l'historique complète. Une historique? Bref, l'histoire. Hein? L'histoire. De Pokémon. Sortez vos papiers et crayons parce que c'est peut-être un peu mélangeant. Ça va être à l'examen à la fin de la saison. Soyez-y la semaine prochaine dans The Gamer à un autre avec Samuel Girard et Frédéric Simon. Mais merci à toi, Fred, et à dans deux semaines sinon pour une chronique juste à toi. Merci à toi, Mathieu. À bientôt. Chanson thème d'Inspecteur Gadget avait absolument rien à voir, mais c'était comme ça. On vient d'entendre un remix de Sonic the Hedgehog 2 Mystic Cave Zone live. Oui, c'est Extra Lives qui nous a joué ça. Un band qui vient de Los Angeles qui fait des covers. C'est vraiment cool. Et pas juste. En fait, ils font seulement des covers, oui, de musique, de toutes sortes de jeux vidéo. Donc j'imagine que ça compte parce qu'il y a sûrement eu un jeu vidéo d'Inspecteur Gadget à quelque part dans l'histoire. Maintenant, toujours Mathieu Planchot, c'est Television. Hop! Youpidoup. Il est supposé avoir une petite chanson avant ça, hein? Ah, cet cette intro, hein? Donc, Télévision, la chronique où on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Commençons par TVA Sport au Québec, qui est très loin de la rentabilité, nous dit la presse canadienne. Après une deuxième année comme diffuseur officiel francophone de la Ligue nationale de hockey, vous connaissez peut-être, TVA Sport demeurait encore loin des profits en 2016, même si la chaîne sportive a été en mesure de réduire sa perte. Pour la période terminée le 31 août 2016, sa perte nette avant impôt s'est chiffrée à 33,1 millions de dollars, en baisse de 15,5% d'après les données dévoilées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, nos bons amis du CRTC. Le chiffre d'affaires de TVA Sport a également légèrement décliné de 0,2% à 81,6 millions de dollars en 2016, année où le Canadien de Montréal a raté les séries éliminatoires. Les revenus de publicité nationale ont entre autres plongé de 27%. Son nombre d'abonnés a aussi affiché une décroissance d'une année à l'autre, passant d'environ 2 millions à environ 1,8 million selon les chiffres de l'organisme fédéral. La vice-présidente aux communications du groupe TVA, Véronique Mercier, a tempéré la performance, bien sûr, en affirmant que les données du CRTC dataient déjà d'un an. Hein? Le groupe TVA avait prévenu dès le lancement de sa chaîne sportive qu'il faudrait plusieurs années avant qu'elle sorte du rouge. En mai dernier, lors de son assemblée annuelle, la direction de la filiale de Québécois Média avait réitéré que TVA Sport demeurait sur la bonne voie pour atteindre le seuil de la rentabilité d'ici 2020. Il y a plein d'autres informations, entre autres financières, sur assemblagerequis.com dans l'article. Safia Nolin va participer à Code F cette saison. Les nombreux fidèles de l'émission Code F à Vrac profiteront du franc-parler de Safia Nolin dès l'hiver prochain, nous rapporte Le Soleil, avec la chanteuse Nadia Tsatsiki, que j'appelle affectueusement Nadia Tsatsiki, comme la petite sauce là, de la bronze, donc c'est la bronze, la musicienne, la chanteuse, et l'animatrice Valérie Chevalier aussi va être là. Safia se joint au noyau dur de l'émission, qui va être là à chaque épisode, composé de Catherine Etier, Virginie Fortin et Catherine Levac, toutes là depuis la création de l'émission au printemps 2015. D'autres collaboratrices viendront aussi mettre leur grain de sel à l'occasion, soit Florence Lompré, alias Gabi Gravel, Rosemée Autonne-Témorin, celle qui a comme 12 noms, Judith Lucier, Ève Côté et Rosalie Bonenfant, que j'adore. On va parler entre autres sur les fausses fines, l'incompétence, les rumeurs et le friends bien à voir donc dans Codef à Vrac cet automne. Toujours au Québec, c'est parti pour Frisson TV, donc amateurs d'horreur, c'est nouveau, c'est pour vous, bien sûr. Depuis très récemment, la chaîne Frisson TV est offerte en débrouillage aux amateurs de sensations fortes et de films gore. Pour ceux qui n'avaient pas entendu la nouvelle, donc c'est une chaîne spécialisée au contenu entièrement dédié à l'épouvante et à l'horreur, où se retrouvent vampires, loups-garous, zombies, invasions d'extraterrestres, monstres, tueurs en série, animaux déchaînés, démons, possessions et maisons hantées pour le grand bonheur des amateurs du genre. Les gens qui sont avec Vidéotron ont donc les gens du câble de Madeleine, ont donc accès à la chaîne au poste de 799. C'est gratuit jusqu'au 18 novembre. Les autres, il va falloir attendre le 19 octobre pour y accéder. Et j'entends dire que, il me semble que c'était sur Facebook que j'avais vu ça, que Cogeco, c'était pas dans leur plan de l'offrir pour l'instant. La programmation de septembre inclura plus de 110 longs métrages et les détails sont sur frissontv.com. Toujours au Québec, un docu-réalité dans la vie de Nico Trudel. J'ai aucune idée jusqu'à maintenant c'est qui ce monsieur Trudel. Donc, en quoi consiste le travail de blogueur et d'influenceur? Voilà à quoi ressemble leur quotidien. Ont-ils une vie réellement glamour? Comment fait-on pour devenir influenceur? Nico Trudel répondra à ces questions dès le 26 septembre sur la chaîne MaTV dans le docu-réalité des Influençables. La caméra montrera au public, notamment à la jeune génération, l'envers du décor. Durant ces 4 épisodes mettant en vedette Nico Trudel et son équipe de rédacteurs, le téléspectateur en apprendra plus sur le marketing d'influence et les tendances de ce phénomène au Québec tout en le... c'est écrit à Québec. J'imagine que ça veut dire au Québec. En le comparant avec ce qui se vit ailleurs au Canada et dans le monde. En plus de suivre Nico lors de la planification, la mise en place et la direction du projet lesinfluençables.com et de mettre de l'avant le point de vue d'autres acteurs influents du milieu des communications, la série offrira une vision approfondie et inusitée pour plusieurs de la vie unique d'un influenceur. Au Canada, maintenant, CRTC, une oreille pour se plaindre des services de télévision. Peut-être justement dire « Hey, je veux Frisson TV sur Cogeco! » Donc, si vous êtes insatisfait de votre fournisseur de services de télévision, il y aura donc une oreille pour vous écouter au CRTC, nous dit la presse. Le commissaire aux plaintes relatives au service de télécommunication, le CPRST, qui entendait déjà les plaintes d'utilisateurs de services de téléphonie mobile ou résidentielle et d'accès à Internet, a été rebaptisé la commission des plaintes relatives au service de télécom télévision. OK, ça finit là. Commission des plaintes relatives au service de télécom télévision et sera responsable de l'application du code des fournisseurs de services de télévision présenté par le CRTC en janvier 2016 et qui entrait en vigueur récemment. L'introduction d'un nouveau code sur les services sans fil en 2013 avait modifié cette industrie en imposant notamment une durée maximale de 2 ans au contrat. Les nouvelles exigences du code pour les services télévisuels ne sont pas aussi sévères. Elles visent essentiellement la façon dont doit être présentée aux consommateurs l'information sur les divers forfaits. Les formats publicitaires des réseaux sociaux s'amènent à la télé maintenant. Un format publicitaire popularisé sur les réseaux sociaux fera son entrée cet automne sur les ondes de Fox Sports. Les publicités de 6 secondes. Les amateurs de football verront ces nouvelles publicités dès le 10 septembre, donc c'est déjà commencé aux États-Unis, tout juste avant le lancement de la saison de la NFL. Elles seront intégrées progressivement aux côtés des publicités traditionnelles de 15 et de 30 secondes. Ce qui est difficile parce que les pubs de 6 secondes, c'est pas un chiffre qui entre dans 15 et dans 30. Il va falloir parler avec quelque chose d'autre. Donc le réseau envisage également de les présenter dans de nouveaux formats, par exemple grâce à un écran divisé pendant les pauses de jeu, où on verrait à la fois les joueurs sur le terrain et dans un encadré la publicité, ce que les chaînes de nouvelles font déjà lorsqu'un événement majeur se passe. Sauf qu'ils font le contraire des fois, ils mettent la publicité en presque trois quarts d'écran et la suite de l'émission est dans le coin en bas, comme disons une entrevue politique qui s'en vient ou quelque chose comme ça. Ou les trucs sur l'ouragan Irma en ce moment. Popularisé par les applications mobiles et les réseaux sociaux comme Snapchat, Facebook et YouTube, les contenus publicitaires de quelques secondes étaient restés jusqu'à présent quasiment absents des chaînes de télé. La situation est toutefois sur le point de changer. Fox estime que le public de l'ère numérique tolère moins les pauses publicitaires fréquentes et surchargées. Cette initiative qui illustre bien les nouvelles stratégies déployées par les télédiffuseurs pour conserver l'attention des consommateurs qui ont souvent en main leur téléphone mobile ou une tablette, comme je l'avais il y a deux secondes quand je regardais dehors parce que quelqu'un regardait dans la porte. Lorsqu'ils regardent la télé, donc ils ont toujours leur téléphone ou leur tablette. Un public qui est par ailleurs habitué à éviter entièrement les publicités. Encore une fois, j'en suis témoin, notamment sur des plateformes comme Netflix. Cette transformation des habitudes de consommation représente aussi un défi de taille pour les annonceurs qui devront rivaliser de créativité pour vendre leurs produits en moins de temps qu'il n'en faut pour lire un article à voix haute. Voilà. Fox News Group a mis ce nouveau forfait publicitaire à l'essai lors de la diffusion de la cérémonie des Teen Choice Awards le 13 août dernier. Le réseau annonçait alors aux téléspectateurs que leur programmation serait de retour dans moins de 30 secondes et présentait pendant cette période une série de plusieurs pubs de 6 secondes. Donc tu vois, 6, 12, 18, 24, 30. Hey, j'avoue que ça rentre dans 30. Et les mathématiques, c'est pas mon fort. Le réseau estime que cette stratégie incite le public à demeurer devant l'écran. L'initiative semble également profitable sur le plan financier avec le placement stratégique des courtes publicités comme juste avant le botté d'envoi d'une rencontre de la NFL. Fox est parvenu à maintenir ses tarifs selon le New York Times. Une seule publicité de 6 secondes pourrait coûter environ 200 000 $US selon le réseau. Vous pouvez voir beaucoup plus d'informations sur un très long article de Radio-Canada.ca sur assemblagerequis.com. On reste aux États-Unis avec l'émission de... On adore John Oliver. Last Week Tonight a été renouvelé jusqu'en 2020 selon Variety. HBO a donc annoncé la nouvelle récemment. John Oliver, qui a fait ses débuts sur HBO en 2014, déjà, ça fait vraiment longtemps quand même, a suscité de fortes critiques pour les prises de position satiriques de son animateur sur les questions politiques et culturelles. L'émission a été nommée pour 8 prix Primetime Emmy, et a remporté 2 Emmys Creative Arts récemment. L'année dernière, il a remporté 3 Emmy Primetime, y compris pour Outstanding Variety Talk Series. Il s'est principalement fait connaître aux États-Unis par le Daily Show et dans la sitcom Community. Nick Cannon va animer l'émission Lip Sync Battle Shorties sur Nickelodeon. Oui, Nickelodeon a annoncé donc que l'entertainer Nick Cannon, l'ancien animateur de America's Got Talent, du talent à revendre, va animer Lip Sync Battle Shorties, un spin-off ou un dérivé du phénomène global nominé aux Emmy, diffusé sur Spike TV. Donc Lip Sync Battle, qu'on appelait au Québec Lip Sync Battle face à face. Donc avec lui pour donner des commentaires sur chaque performance, une vedette des réseaux sociaux, bien sûr, Jojo Siwa, hein, qui va être sidekick, donc sa collègue à Cannon. 10 épisodes dans cette série-là, ça va être de vrais enfants qui vont vraiment lip-syncer des chansons pop en célébration de leur artiste préféré. Ça va débuter au début de 2018 avec des émissions spéciales d'Halloween et des fêtes qui vont être diffusées plus tard cette année. Donc Nick Cannon et Lip Sync Battle Shorties. Nickelodeon avait en fait fait une émission d'une heure Lip Sync Battle Shorties en décembre 2016. Ça avait eu de très bonnes cotes d'écoute, donc on ramène le concept. Parlant de vedettes du numérique, comme Jojo Siwa tantôt, la vedette du web, Amy Pham, va devenir une des animatrices de la version rebootée. Donc on ramène MTV TRL, donc Total Request Live à l'époque. Ça finit par s'appeler TRL avec le temps. Les initiales sont bien à la mode depuis toujours. Donc le 30 juillet, MTV annonçait qu'il ramènerait Total Request Live. L'émission de vidéoclip, la version originale en fait, a été diffusée entre 1998 et 2008. C'était vraiment un succès énorme sur MTV. Ça a fait de Carson Daly une vedette. Maintenant pour la version réanimée de TRL, MTV est allé chercher une équipe en rotation, des animateurs peu connus mais qui deviennent connus Et on croit qu'ils vont être capables de mener une émission d'une heure. Donc chacun va mener sa propre émission d'une heure. Je trouve ça j'aurais préféré une équipe, tu vois. Bref, une d'elles, une de ces personnes sera Amy Pham, une actrice qui est très suivie sur les réseaux sociaux. Pendant les épisodes qu'elle va animer, Pham va devoir présenter des vidéoclips, interviewer des vedettes, interagir avec un public en studio. C'est vraiment la même chose que Plus sur commande à l'époque, TRL. Il y avait plein d'émissions comme ça sur les chaînes de musique, mais ici, on connaît surtout Plus sur commande. MTV prévoit aussi partager des contenus, bien sûr, sur YouTube, Instagram et Musical.ly. Donc, ça va bien sûr profiter à MTV, étant donné les fans de Madame Pham, qui est représentée par Abrams Artist Agency. Ensuite, vous connaissez peut-être la parodie de ESPN avec ESPN 8 The Ocho. Peut-être, et ESPN va amener à la vie The Ocho pour une journée folle, oui. Donc, c'est un réseau qu'on avait amené en blague dans le film Dodgeball, A True Underdog Story. Donc, ESPN va changer sa chaîne ESPNU, c'est une chaîne qui est destinée au public universitaire, en The Ocho. ESPN 8 pour une seule journée. En fait, c'est déjà passé. On était vraiment en retard sur cette nouvelle-là. Parce qu'on a pris de longs congés, mais c'était le 8 août dernier. Donc, The Ocho avait entre autres des sports très peu vus comme le disc golf. Donc, c'est comme du golf avec un frisbee, si je me rappelle bien. Le roller derby, le kabaddi, j'ai aucune idée. Bags et le ballon chasseur sur trampoline, le trampoline dodgeball. Pendant le film de 2004, le slogan de The Ocho était Bring you the finest in seldom seen sports. Donc, on vous présente les meilleurs des sports peu connus. Les animateurs fictifs de ESPN 8 étaient Cotton McKnight et Pepper Brooks. Mais par contre, on nous dit ici qu'ils ne seront pas présents pour la journée de ESPN 8. Quelle opportunité ratée, non? Bref. ESPN dit que la plupart des événements niveau championnat de ESPN 8 vont être que ESPN 8 va téléviser vont aussi être disponibles sur demande à la télé via streaming. Presque tous ces sports-là ont en fait déjà été diffusés sur ESPN parce que ESPN a plusieurs chaînes à remplir, plusieurs heures à remplir, un peu comme TVA Sports et qui diffuse des sports de chevaux là que je comprenais pas du tout c'était quoi, mais bon, ça c'est diffusé. Faut bien remplir la journée, hein? Ensuite, toujours aux États-Unis, le compositeur des Simpsons a été renvoyé. Très mauvaise nouvelle, nous rapporte la presse. Alf Clausen? Glossette. Le compositeur derrière la musique des Simpsons depuis 27 ans a été renvoyé récemment. Le lauréat de deux prix Emmy pour son travail sur la série animée a indiqué à Variety que les producteurs désiraient un autre genre de musique. Hein? Les aventures de Bart, Lisa, Homer et les autres sont parmi les rares émissions de télé à recourir à un orchestre complet pour tous les épisodes. Et un communiqué publié par la production a précisé que Alf Clausen allait continuer à occuper un rôle au sein de l'émission. On ne sait pas lequel. On y souligne également que la musique orchestrale reste une priorité de la série à succès de Fox. Bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Tu gâches pas ça. C'est tellement important pour l'ambiance d'une émission d'avoir une musique aimée des gens. Et les Simpsons, je pense que c'est reconnu. Là, la musique est vraiment excellente. La 29e saison des Simpsons débute très tard cette année. Je crois que c'est en raison du football américain, si je me rappelle bien. Donc, le 1er octobre. Ensuite, on reste aux États-Unis, on va sur HBO avec une troisième saison pour True Detective. HBO l'a confirmé, il y aura bel et bien une troisième saison de la série d'anthologie True Detective. La prochaine saison se concentrera sur un crime effrayant dans les profondeurs des Ozarks et mettra en vedette Mahershala Ali dans le rôle du détective Wayne Hayes. Donc la troisième saison de la série sera co-réalisée et écrite par le créateur Nick Pizzolatto aux côtés du co-créateur Jeremy Saulnier. Pizzolatto et Saulnier produiront l'émission avec Scott Stevens et la saison 1 mettait en vedette... Ok, ça c'est une autre phrase, on aurait pu mettre un point ici. La saison 1 mettait en vedette Woody Harrelson et Matthew McConaughey et le réalisateur original Cary Joji Fukunaga. La date de diffusion n'a pas encore été annoncée, mais on espère que la saison 3 sera un retour en force pour la série produite par... Wow, je le dis souvent, là, mais tvqc.com, t'sais, relisez vos articles. Et moi, je pourrais peut-être les prendre d'ailleurs. Hein, mais il y a des nouvelles qui sont nulle part, sauf là, c'est ça que je trouve plat. Bref, la série est produite par Anonymous Content. La deuxième saison n'avait pas super répondu aux attentes, apparemment, après une campagne publicitaire très coûteuse. Donc malheureusement, ben, au moins, il y aura une saison 3. Peut-être qu'on va pouvoir remonter la barre un petit peu. On reste aux États-Unis avec un autre animateur. Il y en a beaucoup de Fox News qui a été remercié. Un animateur donc de Fox News qui a été renvoyé après avoir été accusé de harcèlement sexuel. La troisième affaire du genre en un peu plus d'un an pour la chaîne d'information à la ligne éditoriale un petit peu conservatrice par moment. Donc début août, le site d'information en ligne Huffington Post avait affirmé que l'animateur de télévision l'animateur de l'émission The Specialist en fait officiellement le titre est The Fox News Specialist. Eric Bowling avait envoyé à au moins trois collègues femmes plusieurs textos contenant une photo évidemment de ses petites parties. L'envoi des messages remontait à plusieurs années selon le site d'information. La direction de Fox News avait suspendu l'animateur quelques heures après et annoncé le lancement d'une enquête menée par des avocats extérieurs de la société. D'après la chaîne sollicitée par l'agence France Presse, ses conseils ont mené un examen confidentiel de ses allégations. On n'a pas plus de précisions, bien sûr, concernant les conclusions, mais bon, il a été renvoyé, hein? Ça doit vouloir dire quelque chose, ça. Le départ de Eric Bolling, dont l'émission a été supprimée, on pensait qu'elle allait avoir, parce que les deux autres animatrices, en tant que telles, n'ont rien fait, étaient très intéressantes, très bonnes, donc les deux animatrices perdent leur emploi par le fait même, c'est dommage pour elle. Donc l'émission est retirée complètement et ça intervient après une série d'autres scandales qui ont frappé la chaîne depuis l'an dernier. On parle de Roger Ailes, Bill O'Reilly et le directeur des programmes de la chaîne Fox Sports. Voilà. Ensuite, on va sur Internet, si je me rappelle bien. Excusez-moi, est-ce qu'on va sur Internet? Non, c'est pas sur... Je m'excuse, on reste aux États-Unis. Donc, Antonio Banderas, qui va incarner Picasso dans la saison 2 de la série américaine Genius, qui va porter sur le peintre originaire comme l'acteur de Malaga, en Espagne. La première saison qui concernait, elle, Albert Einstein. Antonio Banderas a par ailleurs estimé que le monde du cinéma se trouvait à la fin d'un paradigme avec la multiplication des formats d'écran. Donc, voilà qui prend une série télé. Le film... c'est ça, là. C'est pas mal tout pour ça. Ouais. Ensuite, là, on reste encore aux États-Unis. Coudonc, j'ai donc bien une nouvelle américaine cette semaine. Showtime qui a commandé Active Shooter America Under Fire, une série documentaire en 8 parties qui explore les fusillades en masse et leurs conséquences, évidemment, dévastatrices. La nouvelle série documentaire utilise des témoignages de première main avec des survivants et des familles des victimes pour savoir pourquoi ces incidents se produisent et évaluent leur impact. La série documentaire est réalisée par Eli Holzman, qu'on connaît pour Undercover Boss et Project Runway, ainsi que Aaron Seidman, qu'on connaît pour Larry Remini, Scientology and the Aftermath, qui fait vraiment un gros succès en ce moment. Ça vient de The Intellectual Property Corp, ainsi que Star Price, qui a travaillé sur Penn & Teller Bullshit, qui sert comme showrunner. Ça va commencer le 29 septembre, et c'est sur Showtime. On passe vraiment cette fois-ci à Internet, avec YouTube qui part une nouvelle série inspirée de Karate Kid. Un reboot. Donc, reboot. Cobra Kai, c'est le nom de l'émission. On va réunir les adversaires des années 80, Ralph Macchio et William Zabka. En 10 épisodes d'une demi-heure, et ça va débuter sur YouTube Red en 2018. YouTube Red, le service payant de YouTube. Écrit et produit exécutivement par Josh Hill, John Hurwitz et Hayden Schlossberg. Cobra Kai vient de Sony Pictures Television Studios avec Overbrook Entertainment. Donc, aussitôt qu'il a entendu parler du projet, c'est la chef du contenu chez YouTube. La fille a dit, fallait absolument qu'on ait cette émission-là. Le public adore ça. Le monde est prêt pour un reboot de Karate Kid. Un autre reboot, en fait, parce qu'il n'y en avait pas eu un avec le fils de Will Smith. Ouais, donc ouais, on ramène ça. Je sais pas si ça a été un succès, mais bon. Ça sent bien. Ensuite, Showtime, une chaîne américaine qui se fait taper sur les doigts après des problèmes lors du streaming du combat entre Mayweather et McGregor récemment. Donc Showtime a été poursuivi pour son stream pay-per-view, donc vidéo commandée sur... C'est vidéo sur demande, mais comment est-ce qu'on appelle ça? Chaîne par abonnement. En tout cas, bref, il fallait payer un montant exorbitant pour le match du 26 août dernier entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Donc la seule personne qui a porté plainte est un homme de l'Oregon nommé Zach Bartel, qui est représenté par une équipe légale menée par Michael Fuller et Mark Garagos. Et c'est une class action lawsuit, donc une poursuite collective. Et on dit que des milliers de personnes ont été potentiellement affectées dans son état, selon le Washington Post. La poursuite dit que Bartel a payé $100 pour le stream, $99.99 US, le 25 août, pour seulement découvrir le lendemain qu'il ne pourrait pas regarder le combat au complet sur un système de streaming qui était défectueux. Donc la poursuite dit que son équipement, en fait, était de très bonne qualité. La connexion Internet fonctionnait bien. Il est allé sur Twitter pour découvrir qu'il y avait d'autres personnes qui avaient de la difficulté à regarder le stream. Le site lawnews.com a parlé à Showtime pour avoir des commentaires et le réseau a dit ne pas pouvoir discuter de litigation. Litige poursuite en cours, voilà. Damien Chazelle prépare une série pour Netflix qui est Damien Chazelle, c'est le réalisateur oscarisé de La La Land. Il va créer pour, ça c'est en français, pour l'amour d'Hollywood. On a-tu le don d'avoir des titres quétaines en français? Hein? Va créer pour Netflix un drame musical en 8 épisodes situé à Paris, annoncé le site de streaming récemment. Le cinéaste, qui est devenu en février le plus jeune à recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur, va réaliser lui-même 2 épisodes de The Eddie, EDDY, et sera producteur exécutif de toute la série, centrée sur une boîte de nuit, son propriétaire, un groupe qui s'y produit et la ville chaotique qui les entoure. La série mettra en scène des personnages anglophones, francophones et arabophones, et sa musique sera composée par le lauréat de 6 Grammys, Glenn Ballard. J'allais dire, il y a quelqu'un qui cherche une job, le gars des Simpsons. Chazelle, spécialiste des films sur l'univers de la musique. Et l'un des metteurs en scène les plus en vue à Hollywood en ce moment, après La La Land, qui a remporté 6 statuettes aux derniers Oscars, et Whiplash en 2014, qui en avait décroché 3, il lui avait valu une nomination pour la meilleure adaptation de scénario. Toujours pas de date de diffusion n'ont été annoncées, mais Chazelle prépare actuellement First Man, un film sur la vie de l'astronaute Neil Armstrong. C'est en tournage à partir du mois de novembre. Et parlant de vedettes du cinéma, Chris Pine incarnera Robert Kennedy. Donc le comédien qu'on connaît entre autres pour son rôle du Capitaine Kirk dans les plus récents films de Star Trek incarnera l'ancien politicien Robert F. Kennedy pour une série produite par le site web de vidéo en streaming Hulu, selon Deadline.com. Pour Hulu, il s'agit de la suite logique d'une autre série, 11-22-63, qui était consacrée au président américain John F. Kennedy, assassiné bien sûr le 22 novembre 1963. On rappelle que Robert Kennedy, frère du président Kennedy, a été assassiné lui en juin 1968, en pleine course à l'investiture du Parti démocrate. Est-ce que le film va s'appeler O6? La date 68? J'en ai aucune idée. Le projet est inspiré de l'ouvrage Bobby Kennedy, The Making of a Liberal Icon de Larry Tye, ou comme on l'appelle en français, Larry Cravate. Voilà, c'est tout pour le segment Télévision. Il reste encore Merci Science et le segment Geek Scenix, mais avant ça, on écoute de la musique, bien sûr. On s'en va entendre Kirby's Liberation Service. Donc, c'est un hommage à la musique de Kirby Superstar par Demons. Et on écoute l'extrait qui s'appelle Fluffball Rampage tout de suite. MPS, le Mathieu Planche sur C'est fou. Oh, mon téléphone sonne. Non, c'est dans la chanson. How to Fly, précédé de Fluffball Rampage, et en ce moment on entend Superstar. Vraiment super bon, la musique de Kirby Superstar, c'est Jun Ishikawa, qui est un compositeur de jeux vidéo et qui a travaillé sur ce classique jeu de Kirby. Donc Damon's, de son côté, lui a envoyé un EP, un maxi intense qui reprend la musique de thèmes classiques de jeux vidéo, dont il y en a plusieurs dans Fluffball Rampage, qui était la première partie qu'on a entendu tantôt, une très très longue pièce de 10 minutes environ. Donc voilà pour ces pièces de l'album Kirby's Liberation Service par Damon's, basé sur la musique de Jun Ishikawa. Voilà. Toujours Mathieu Plante Show, et pendant qu'on termine cette pièce de Superstar, qui s'appelle Superstar, de cette compilation, de ce CD, hein? C'est le moment de passer à Merci Science. C'était des phrases confuses, tout ça. Donc, on est rendu à parler de science et commençons avec une nouvelle sur les cheveux gris qui redeviennent noirs grâce à un nouveau médicament contre le cancer. Les thérapies contre le cancer sont connues pour causer la perte des cheveux des patients. Pourtant, il semblerait que certains nouveaux médicaments aient des effets secondaires totalement différents. Ils restaurent les pigments des cheveux gris de patients âgés. Les chercheurs espagnols réalisaient des tests sur trois nouveaux médicaments, Keytruda, Opdivo et Tecentriq, à la recherche d'effets secondaires lorsqu'ils ont fait cette découverte surprenante. 14 des 52 patients participant au test ont vu leurs cheveux gris redevenir marron ou noir. Ce qui est intéressant, c'est que dans une publicité de Keytruda, il me semble que c'est ceux-là, il y a beaucoup de publicités de médicaments aux États-Unis, ce qu'on n'a pas le droit de faire au Canada, mais quand même, donc ils disent... Dans la publicité, Keytruda, mettons, n'est pas fait pour perdre du poids, mais ça se peut que vous perdiez du poids. Donc maintenant, ils vont pouvoir commencer à dire, ça veut pas dire que vous allez avoir des cheveux fringants. Est-ce que ça se dit, les cheveux fringants, sûrement pas, de leur couleur d'origine, mais maintenant, ils vont pouvoir commencer à dire, certains ont eu des cheveux gris transformés en cheveux noirs. C'est quand même le fun. Donc, la dermatologue Noelia Rivera, à l'Université autonome de Barcelone, a appris ce changement de couleur sur le premier patient. Elle et ses collègues pensaient à un cas isolé, mais des vérifications sur d'autres participants ont permis de constater la chose à plus grande échelle. L'étude a aussi montré que pour 13 de ces 14 patients, ceux-ci répondaient mieux au traitement que les autres, ce qui suggère que la restauration des pigments des cheveux pourrait être une indication du bon fonctionnement des médicaments. Pour l'instant, les médecins n'ont aucune explication quant à ce changement de couleur des cheveux, mais c'est vraiment fascinant. Curieusement, les médicaments délivrés durant cette étude avaient déjà été associés à une perte de couleur de cheveux chez des patients souffrant de mélanome. Les patients de cette étude souffraient, eux, du cancer du poumon. Donc, il faudra de nombreux tests ultérieurs. Mais cette découverte étonnante pourrait déboucher sur un nouveau traitement contre la perte de pigmentation des cheveux. Les hommes sont plus heureux quand ils font le ménage. En 2012, une étude venait tordre le cou aux idées reçues des machos. À la grande surprise des auteurs, elle révélait que plus les hommes participent aux tâches domestiques et plus ils vivent heureux. Et s'il suffisait de faire la vaisselle pour qu'un homme ménage ou nage dans le bonheur, nous dit Futura Santé. L'égalité des sexes, c'est pas encore pour aujourd'hui, nous disent-ils. Malgré les luttes féministes et les mouvements de libération de la femme entamés depuis une cinquantaine d'années, ça n'a absolument rien à voir avec l'article, les hommes occupent toujours les plus hautes fonctions dans la société ou encore ont un salaire plus important pour des fonctions équivalentes et passent moins de temps à accomplir les tâches ménagères. Pourtant, voilà un argument qui pourrait pousser ces messieurs à changer. Et si la science leur prouvait à coup de statistiques que participer aux activités domestiques les rendait plus heureux? C'est exactement ce qui vient d'être fait. On ne pourra pas accuser les chercheurs d'avoir orienté leurs résultats puisqu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à un pareil constat. Blablabla, égalité des sexes, blablabla. Au niveau professionnel, les femmes sont parfois amenées à choisir entre leur carrière et le fait de fonder une famille. Blabla encore, coudon, mais venez-en au but! Oui, bon, voilà. Donc... comme l'explique la prestigieuse University of Cambridge, l'ouvrage s'intéresse au bien-être des hommes en comparaison du temps passé à collaborer aux activités domestiques telles que faire la cuisine, la vaisselle, les courses, faire le ménage ou encore la maintenance domestique. Contrairement à ce qui était attendu, les hommes d'Allemagne, du Danemark, de France, de Grande-Bretagne, de Norvège, des Pays-Bas et de Suède se déclarent plus à l'aise et moins stressés lorsqu'ils participent aux tâches ménagères et sont donc plus heureux. Quelle est la clé de ce bonheur? Est-ce de tremper la serpillière dans un seau humide? L'odeur alléchante d'un repas qu'on a pris le temps de préparer? Selon les scientifiques, une évolution des mœurs s'insinue peu à peu dans l'esprit des gens et les hommes commencent à culpabiliser de regarder leur compagne faire le plus gros du travail. D'autre part, les femmes osent davantage de réclamer un traitement équitable, là encore du fait de changements de considération dans la société, et les hommes besogneux ne subissent pas les foudres d'une épouse en colère. Moins de disputes, plus de calme, chacun peut vivre tranquillement, des tâches partagées pour un bonheur partagé ou comment être heureux en ménage. Quel article minable. C'est la rentrée et vous avez peut-être plus de chances de rompre. En ce moment, selon une étude d'université américaine doublée d'un sondage réalisé auprès des membres du service Glidden, la rentrée est une période particulièrement propice aux ruptures, selon l'Université de Washington, donc une étude de là. On observe un pic de séparation avec demande de divorce lors du retour des vacances d'été, plus nombreuses qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Nouveaux objectifs, bonnes ou mauvaises résolutions, la rentrée est généralement vécue comme le moment idéal pour procéder à des ajustements dans sa vie personnelle et sentimentale. Si certaines optent pour la rupture, d'autres préfèrent agir dans l'ombre, comme le révèle un sondage réalisé sur le même thème auprès des membres de Glidden. Selon le site spécialisé dans les rencontres extra-conjugales, 79% des membres interrogés, donc 12 000 personnes, admettent être bien plus actifs à la rentrée. 53% des interrogés admettent même passer plus de temps sur le service à la rentrée car les vacances leur ont ouvert les yeux sur leur frustration relationnelle et sentimentale. Pour 38% des membres interrogés, la rentrée est aussi synonyme de retour à la liberté. Une tendance qui se confirme également dans les statistiques de Glidden, puisque les inscriptions à la rentrée 2016 ont augmenté de 275% par rapport aux trois mois d'été qui ont précédé. Avec l'année dernière aussi un pic au 1er septembre, le site a constaté également une hausse du nombre de messages privés échangés par ses membres. La rentrée est donc une période qui sera bientôt chargée pour les détectives privés aussi peut-être. Un article de plugin.net, un très bon site. Céder du sommeil pour mieux apprendre une langue étrangère. C'est l'heure de la rentrée, encore une fois, et l'apprentissage d'une langue étrangère va devenir le quotidien des élèves. Futura nous ramène un article de 2014, une étude donc qui semblait donner du crédit à la vieille idée qu'il est possible d'apprendre durant le sommeil en écoutant des leçons enregistrées et diffusées avec un faible volume sonore. Une méthode qui fonctionnerait au moins sous certaines conditions avec l'apprentissage d'une langue. Selon une étude donc publiée dans le journal Cerebral Cortex, il est bel et bien possible de renforcer ses compétences en langue étrangère pendant le sommeil, notamment en écoutant des enregistrements de mots récemment appris. Pour les besoins de l'étude, les chercheurs des universités de Zurich et de Freiburg, ont recruté 60 sujets germanophones souhaitant... donc ils souhaitaient apprendre le néerlandais. Chaque participant devait apprendre des paires de mots de vocabulaire à 22 heures. Les membres du groupe d'essai se sont ensuite endormis au son d'un enregistrement des mots appris, passé à un faible volume, tandis que ceux du groupe témoin ont veillé en écoutant les mêmes mots. À 2h du matin, les dormeurs ont été réveillés et tous les sujets ont passé un examen de contrôle. Selon les chercheurs, ceux qui ont dormi pendant la soirée ont obtenu des scores supérieurs à ceux du groupe témoin. Thomas Schreiner et Bjorn Rasch, co-auteurs de l'étude, déclarent que les résultats démontrent que le sommeil active de manière spontanée du contenu fraîchement appris. L'étude renforce ainsi que ce que la plupart des scientifiques considèrent comme un lien fort entre le sommeil et la mémoire. Dans une étude précédente, Bjorn Rasch a appliqué la même méthode à un apprentissage olfactif avec des résultats similaires. Les sujets devaient retenir l'odeur associée à des roses spécifiques, lesquelles étaient présentées sur des cartes. Tout comme dans l'apprentissage des mots, les sujets exposés aux odeurs pendant leur sommeil ont mieux réussi l'examen que ceux qui sont restés éveillés. Eh ben... Et pour terminer, les gros dormeurs font plus de cauchemars. Ah ben là, il va falloir se décider, là. Hein? Les cauchemars seraient plus fréquents chez les personnes qui dorment plus de 9 heures par nuit, selon des chercheurs britanniques et qui ont repéré aussi d'autres facteurs. Donc si vous faites trop de cauchemars, faites sonner votre réveil plus tôt ou couchez-vous plus tard. Personne aime faire des cauchemars. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait et je me considère bien chanceux. D'autant plus que ces mauvais rêves peuvent t'empêcher de profiter d'un sommeil réparateur. Les cauchemars sont fréquents après un événement traumatisant ou stressant, comme le décès d'un proche ou un examen, et chez les personnes souffrant d'un choc post-traumatique comme les attentats, la guerre et la violence. Mais beaucoup font des cauchemars de temps à autre et environ 5% de la population qui en ferait toutes les semaines. Les troubles psychiatriques sont associés à une fréquence de cauchemars plus élevée. Par exemple, la moitié des personnes qui ont une personnalité limite en ferait souvent et au moins 10% des schizophrènes en seraient victimes. De plus, les cauchemars sont corrélés à la détresse psychologique, l'automutilation et les comportements suicidaires. Mais quels facteurs favorisent les cauchemars? Pour répondre à cette question, les chercheurs de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni ont mené une étude sur les cauchemars au sein de la population générale. L'équipe a recruté 846 personnes par des annonces dans les médias et dans des bases de données de candidats pour des études sur le sommeil. Les participants ont complété une enquête en ligne. Ils devaient, par exemple, indiquer le nombre et la gravité des cauchemars vécus au cours des deux dernières semaines. Et ils ont aussi répondu à des questions sur leur vie, comme un divorce récent, tendance à se faire du souci, quantité de sommeil, consommation d'alcool, etc. Et les résultats sont présentés dans la revue Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Wow. Sans surprise, le fait de s'inquiéter pour l'avenir était lié au risque de cauchemars et à leur gravité, ou même à la difficulté de dormir dans mon cas. C'était même le principal facteur associé aux cauchemars. En effet, si on rumine ses soucis en allant se coucher, ça alimente les rêves en éléments négatifs, d'où le plus grand nombre de cauchemars. Car les rêves sont souvent le reflet des expériences vécues pendant la journée. Un cercle vicieux peut s'instaurer, les soucis quotidiens alimentent les cauchemars qui amplifient l'inquiétude le lendemain, etc. L'équipe a aussi trouvé un lien statistiquement plus faible, oui, entre la fréquence des cauchemars et le fait de dormir plus de 9 heures par nuit. Une hypothèse est que le fait de dormir plus longtemps augmente le temps passé dans un sommeil paradoxal, le fameux REM. La phase du sommeil où les rêves sont les plus fréquents. Ce phénomène pourrait se combiner avec les soucis. Les personnes qui font des cauchemars ont tendance à avoir un sommeil perturbé, ce qui accroît leurs soucis et les fait dormir plus le reste de la semaine et ils font encore des cauchemars. Après 6 heures de radio dans la journée, tu commences à manquer de voix. L'exercice physique n'a pas paru associé au risque de cauchemar, ni l'alcool, ce qui peut paraître surprenant. Les expériences hallucinogènes et la paranoïa étaient, elles, associées au cauchemar. Les chercheurs conseillent donc aux personnes qui dorment plus de 9 heures et qui font beaucoup de cauchemars de se contraindre à dormir moins. Hein? Petite morale là-dedans à retenir quand même. Minuscule pause musicale avant le segment Geek Scénix. On écoute une pièce de DJ Supersonic. Et puis, c'était quoi? J'ai fermé la fenêtre, hein? Ah, c'est pas grave. Donc, DJ Supersonic et Bonus Stage. On s'écoute ça et on revient avec Scénix, le segment Geek. Bon, Mathieu Plancho, sur C'est Fou! C'est Bonus Stage par DJ Supersonic. C'est de l'album Fight City. C'est un album de chiptune inspiré par Sega et le jeu Streets of Rage. Voilà. Maintenant, c'est le segment Geek Scénix. Je cherche en ce moment qu'est-ce qui joue en arrière. C'est quoi? Un petit peu. Ah oui, voilà. C'est une vidéo qui joue toute seule dans un article. Les robots. Justement, c'est cet article-là. Les robots, bientôt prêts à déchiffrer notre langage corporel. Des chercheurs américains ont développé un système pour traquer les micro-mouvements de notre corps et apprendre ainsi à des intelligences artificielles à reconnaître nos émotions et nos intentions non-verbales. Les machines sont déjà capables de reconnaître à peu près tout ce que vous dites, mais pour communiquer, on utilise surtout... pour certains surtout. Tania Baudin, je gesticule beaucoup. On utilise notre corps aussi quand on pointe quelque chose du doigt. Des trucs comme ça. Donc, des informations que les robots sont en revanche incapables de saisir, mais peut-être plus pour longtemps. Une équipe de chercheurs de l'université de Carnegie Mellon a en effet entrepris de les former à déchiffrer nos signaux non-verbaux, comme le révèle le site IEEE Spectrum, pour obtenir davantage d'interactions entre l'homme et la machine, ouvrir la voie à une réalité virtuelle et augmentée et plus interactive, et développer des interfaces utilisateurs plus intuitives. Les assistants vocaux Alexa et Siri, seulement dotés de micros, se contentent de vous croire sur parole et ne s'attachent qu'au sens littéral de vos mots. Même Pepper, le robot humanoïde de SoftBank Robotics, qui est équipé d'une caméra pour lire vos émotions, se focalise sur des signaux basiques pour déduire notre humeur, comme un sourire ou le volume de la voix, mais il n'est en aucun cas capable d'appréhender finement vos attitudes. L'équipe donc de Carnegie Mellon s'est attelée à développer un système informatique baptisé OpenPose pour traquer les micro-mouvements de tout notre corps. Il est capable de suivre aussi bien la tête que le torse d'une personne, mais aussi chacun de ses doigts, ce qui nécessite le recours à un dispositif doté de 500 caméras capturant toutes les poses sous différents angles et a permis de constituer une vaste base de données. Toutes les images capturées en 2D sont ensuite passées par un détecteur de points clés pour identifier les différentes parties du corps et les étiqueter. Grâce aux points clés, elles sont ensuite capables de triangulariser le tout pour aider les algorithmes de tracking à comprendre comment chaque pose apparaît différemment. Avec ces données, le système peut déterminer la façon dont la main entière se présente quand elle se trouve dans une position particulière, même si certains doigts sont masqués. Avec toutes ces connaissances, le dispositif est désormais capable de fonctionner dans une configuration plus légère avec une seule caméra et un ordinateur portable. Les chercheurs ont publié leur code pour encourager les expérimentations du public. En ce qui concerne la réalité virtuelle, ça pourrait permettre de suivre les mouvements de joueurs de façon plus fine en se passant de certains capteurs. Les voitures autonomes seraient aussi en mesure de deviner si un piéton s'apprête à traverser. Lors de retransmissions sportives, la position exacte de chaque joueur serait déterminée en temps réel. Et dans le domaine médical, certaines pathologies comme l'autisme ou la dépression seraient susceptibles d'être mieux approchées. Les exemples d'applications sont nombreux. Une intelligence artificielle qui peut détecter les rêves. Les chercheurs du MIT ont mis au point un dispositif capable d'analyser le sommeil d'une personne en utilisant les ondes radio émises par l'équivalent d'un routeur Wi-Fi et qui sont réfléchies par l'environnement. Le signal obtenu est complexe, mais la puissance déductive d'un algorithme d'apprentissage profond permet de suivre ainsi les mouvements du dormeur. L'outil s'avère aussi performant que les systèmes d'électroencéphalographie. Donc actuellement, les examens liés aux troubles du sommeil sont pratiqués à l'hôpital et impliquent le recours à l'EEG, l'électroencéphalographie. La qualité des résultats dépend largement de la capacité du patient à pouvoir dormir dans un environnement inconnu et en surmontant la gêne provoquée par des électrodes fixées sur lui. C'est là que l'innovation proposée par le MIT a le potentiel pour révolutionner la discipline. Le système repose sur un émetteur d'ondes radio de faible puissance, de la taille d'un ordinateur portable associé à une intelligence artificielle qui analyse les données. Installé dans une pièce où dort une personne, l'appareil émet un signal dont les ondes sont réfléchies par le corps, le moindre mouvement modifiant leur fréquence. Leur analyse permet de déterminer des signes vitaux tels que le pouls et le rythme de respiration. Cette méthode est issue de travaux précédents du CCL qui s'était déjà servi des ondes radio pour détecter les émotions ou la vitesse de déplacement d'une personne. Pour parvenir à interpréter les variations de ces ondes radio liées au sommeil, les chercheurs ont développé un algorithme d'apprentissage profond basé sur un réseau neuronal capable d'identifier à partir de ces mesures les trois états du sommeil, le léger, le profond et le paradoxal. C'est durant la phase de sommeil paradoxal qu'ont lieu les rêves, on en parlait tantôt. L'une des principales difficultés techniques qu'il a fallu surmonter fut d'entraîner l'IA, intelligence artificielle, à extraire les bons signaux noyés au milieu d'autres générés par les innombrables ondes parasites rebondissant sur tous les objets présents dans la pièce. Lors d'essais réalisés avec 25 volontaires en bonne santé, le système est parvenu à identifier les trois phases de sommeil avec une précision de 80%, qui, selon les chercheurs, est équivalente à celle des systèmes EEG. Mais le grand avantage de leur invention est qu'elle n'impose aucune contrainte aux patients, qui pourraient même l'utiliser à domicile. Cela crée des conditions d'examen beaucoup plus proches de la réalité. L'équipe de chercheurs du professeur Katabi prévoit d'employer ces technologies pour étudier de quelle manière la maladie de Parkinson affecte le sommeil. Par ailleurs, les spécialistes pourraient s'en servir pour surveiller en continu et à distance des troubles du sommeil liés à la maladie d'Alzheimer, l'insomnie, l'apnée du sommeil ou encore les crises d'épilepsie qui surviennent lorsqu'une personne dort. Toujours en intelligence artificielle, on en développe une chez Disney qui pourrait voir quand vous riez devant ces films. Voir un film au cinéma, c'est ressentir toutes sortes d'émotions, de la joie à la tristesse, en passant par le dégoût ou la colère. Si on peut s'accorder sur le fait que tout ça est subjectif, du côté de Disney Research, on aimerait bien pouvoir analyser ce que ressent le public en temps réel. Donc récemment, les chercheurs de la maison de Mickey ont présenté leurs travaux en partenariat avec les ingénieurs de chez l'université Caltech. Leur projet actuel se nomme Auto-encodificateur variationnel factorisé. Un nom assez précis hein, qui désigne un algorithme capable d'analyser très finement les expressions complexes de spectateurs dans une salle de cinéma. Pour ce faire, des caméras infrarouges sont installées dans la salle pour capter le visage des gens. Mais l'intelligence artificielle ne se contente pas d'étudier les réactions face à un film donné. Au bout de 10 minutes, l'analyse de la même personne, elle est également capable d'anticiper ses réactions pour le reste du film. Au bout de 10 minutes d'analyse, oui, de la même personne, elle est également capable d'anticiper ses réactions pour le reste du film. Voilà. Il fallait mettre l'intonation sur d'autres mots. Pour construire un ensemble de données de plusieurs millions de repères faciaux dans le but de développer de la reconnaissance des émotions dans le but de développer la reconnaissance des émotions de son intelligence artificielle, Disney a réalisé 150 projections de 9 de ses films, dont Zootopia, Star Wars, L'Éveil de la Force, Vice Versa et Big Hero 6. Les caméras ont scruté les visages de milliers de personnes durant ces séances et l'algorithme a ensuite été testé sur les publics d'autres films. Il a été capable de prédire la réaction des personnes dans la salle avec énormément de précision, bien plus que d'autres réseaux neuraux pourtant dotés de plus de données encore. Alors on imagine une telle technologie qui pourrait permettre d'affiner le ressenti des spectateurs devant les films en étudiant la réaction du public durant des projections test, par exemple, pour rectifier le film avant sa sortie en salle. Voilà qui va être bon pour les cinémas pour faire un petit peu plus d'argent. Voilà, c'est tout pour Cénix et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis entre 15h et 17h. On est en rappel les mardis à partir de 10h. C'est notre rediffusion pour la période automnale. Sinon, je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi maintenant. Du lundi au vendredi, oui, pardon, entre 7h et 10h. Et les palmarès, c'est fou maintenant. Du lundi au jeudi, de midi à 13h. Les heures vont rentrer à dans ma tête. Sif.ca, assemblagerequis.com. De la part de Frédéric Simon et de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante. Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. On se quitte avec la pièce Escape from the City de Sonic Adventure 2. Et à la semaine prochaine. Bye bye.